Le voyage est achevé. Le soleil s'en est allé du côté des bacchanales. Aiguillonné par la faim, attiré par le parfum de ses fleurs virginales. Jusqu'au bout je te suivrai, dénudé dans la houle. Allons-nous égarer, emportés par la foule. Nous nous retrouverons au matin de la fête et le ciel sera clair. Le vin versé dans nos verres, comme un ruisseau sur nos chairs, coule rouge au coin des lèvres. En nous prenant par la main, il nous emmène au lendemain. Satyres et faunes, nymphes et chimères. Jusqu'au bout je te suivrai, dénudé dans la houle. Allons-nous égarer, emportés par la foule. Nous nous retrouverons au matin de la fête et le ciel sera clair. Par un cri ou un soupir, un sanglot ou un sourire, un plaisir hissé aux fêtes qui nous fait perdre la tête. Nous retrouverons au matin.